بسم الله الرحمن الرحيم. Donc on est dans le dixième cours, enfin dans la deuxième lecture de Kitab al-Fusul fi Sirat al-Rasul de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, Ismail Ibn Omar. Donc on était dans le hadith de Jibril, enfin le hadith de la première révélation lorsqu'il était dans la grotte de Hira. Donc l'ange, c'est-à-dire Jibril, lui dit Iqra, lis. Il dit Lestu biqari, je ne sais pas lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah Azzajal l'a qualifié dans le Coran, il est ummi. Le ummi, c'est celui qui sait ni lire ni écrire. Et ça, c'est une hikma dans le fait que les kuffars ne puissent pas l'attaquer sur le fait qu'il a étudié les livres précédents. Allah musta'an. Et ça, les kuffars, malgré qu'il est ummi, qu'il était ummi, c'est ce qui sort. Ils disent, oui, il y avait des juifs et des chrétiens à Mecca, il a été mélangé à eux, donc il est venu avec ça. Masakin. Et ça, c'est leur grande ignorance, bien sûr, parce que la majorité de ceux qui combattent l'islam avec des arguments faibles, c'est des non-arabes, des non-arabophones, qui comprennent pas l'arabe, et qui ne savent pas que le Coran, c'est une mu'jiza. Et qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les plus haineux de l'islam, qui étaient les mushrikines, car eux ils adoraient des idoles, et que l'islam s'est venu avec l'adoration d'Allah Azzawajal, le Seigneur de toutes choses, et le Dieu unique, eux qui parlaient la langue arabe de la meilleure façon, eux ils parlaient de la meilleure façon, et ils n'ont pas pu venir avec une seule surah qui puisse rivaliser avec le Coran, la parole d'Allah Azzawajal incréée, qui est une mu'jiza dans ses lettres et ses sens. Donc il dit ensuite Faratahu hatta balagha minhu al-jurd. Donc il l'a pressé jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et là c'est avec une ta ratahu dans le sahih avec une ta ratahu. Thumma arsalahu fa qala lahu iqra. Qala lastu biqari'in thalathan. Ensuite il l'a relâché et il lui a redit lis. Il a dit je sais pas lire trois fois. Trois fois il lui a fait ça. ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Donc ensuite il leur récitait ces versets dans la traduction du français, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble, le plus noble, lui qui a enseigné par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc ces cinq versets sont les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَرْجُفُ بَوَادِرُ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revint en tremblant. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Il en informa Khadija. وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَى عَقْلِي فَثَبَّتَتْهُ وَقَالَتْ أَبْشِرْ. Donc il dit, j'ai craint pour ma raison. C'est-à-dire, il croyait devenir fou. Et elle l'a affermi. Et lui a dit, réjouis-toi. Dans le Bukhari et Muslim, c'est qad khashitu ala nafsi. J'ai craint pour ma vie. Elle lui dit donc, abshir kalla wallahi la yukhzik allahu abada. Innaka la tasilu al-rahim. Wa tasduqu al-hadith. Wa tahmilu al-kal. Wa tu'inu ala nawai bid-dahr. Elle lui dit donc, réjouis-toi, non, par Allah. Allah ne t'humiliera jamais. Tu gardes les liens de parenté, tu es véridique, tu aides le faible et tu aides dans tout ce qui peut arriver comme calamité. Fi'awsafin ukhar jamila, addadatha min akhlaqihi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a cité donc des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa tasdiqan minha lahu wa tathbitan wa i'anatan 'ala al-haqq. فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. Donc elle l'a rendu véridique, elle a cru en lui, et elle l'a affermi, et elle l'a secouru sur la vérité. Et elle est la première grande véridique, صديق, comme on appelle Abu Bakr, صديق. La première صديقة de sa umma, et la première à avoir cru en lui, car il est venu chez lui, après ce qui lui est arrivé, dans la grotte avec Jibril. Et elle l'a honoré. Et donc elle a été un pilier pour lui. Notre mère Khadija, radiallahu anha. Et C'est ainsi que la femme musulmane est pour le mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Elle secourt son mari. Et l'islam est venu avec ça, avec l'importance de la femme. Et les arabes ne considéraient pas les femmes. Et que ce soit les arabes ou tous les autres peuples. De façon générale, la femme avait un rang bas. Et Allah Azzawajal, en la citant, comme a dit Omar ibn Khattab, lorsqu'Allah Azzawajal a cité les femmes, on a su qu'elles avaient un rang. Les jugements spécifiques aux femmes. Et la femme est honorée dans l'islam. Et elle a la place qu'Allah Azzawajal, celui qui l'a créée et qui a créé l'homme, lui a attribué. Et ça, c'est la justice et l'équité. Et toute autre place que ça, c'est de l'injustice envers elle et envers l'humanité. Au contraire de ce que pensent les koufars, que la place de la femme, c'est ceci, cela, l'égalité des sexes, des choses comme ça, tout ça, c'est qu'injustice. C'est qu'injustice, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et la femme a ses droits et ses devoirs, et l'homme a ses droits et ses devoirs. Et alhamdoulilah, chacun des deux genres, et on dit bien les deux genres, il y a deux genres, est différent de l'autre. Et alhamdoulilah. Et c'est par cette différence que l'entente s'installe dans un couple. Donc il n'y a pas d'égalité, mais il y a des droits et des devoirs de chaque côté. Allah al-musta'an. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث لا يرى شيئا. Donc ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم est resté pendant une période sans rien voir, c'est-à-dire sans avoir de révélation. وفتر عنه الوحي. Donc la révélation s'est arrêtée. فاختم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة من حلاوة ما شاهده من وحي الله إليه. Donc ça, ce passage, la révélation s'est interrompue et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été triste et il est parti plusieurs fois pour se jeter du haut des montagnes. Ça, c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après, donc dans la qissa, dans le long hadith de Aïcha au tout début du Sahih, de la parole d'Az-Zuhri, qui rapporte Balaran. Balaran, c'est-à-dire qu'il dit, on m'a rapporté que ceci, cela. Et ça, c'est pas authentique. Donc ça, c'est pas établi qu'il a voulu se suicider, Allah al-musta'an. Ensuite, il dit, فَقِيلْ إِنَّ فَتْرَةَ الْوَحْيِ كَانَتْ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنَ وَكْثَرَ. Il a été dit que l'interruption de la révélation a été proche de 2 ans ou plus. Et ça, cher, حَفِظَهُ اللَّهِ, il dit que ça, Allahu a'lam. C'est-à-dire, il n'y a pas de dalil sur ça, que ça a été aussi long que ça. ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. Ensuite donc l'ange lui est apparu, Jibril, entre le ciel et la terre sur un siège et l'a affermi et lui fit la bonne annonce qu'il est vraiment le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني فأنزل الله علي أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le vit, il eut peur et il partit chez Khadija et il dit enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et Allah azzawajal révéla ces ayat donc dont la traduction du sens est ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis et de ton Seigneur proclame la grandeur et tes vêtements purifiez-les. Donc il est devenu par ces versets, un messager d'Allah Azza wa Jal, par ce verset Qum fa andir, lève-toi et avertis. Et les ayats de Surat Iqra qu'il avait reçus dans la grotte Hira, ça, il est devenu un prophète par eux. Et le degré du messager, il est supérieur au degré du prophète. Tous les messagers sont des prophètes et tous les prophètes ne sont pas forcément des messagers. Et cette histoire, elle est rapportée dans Sahih al-Bukhari et Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ثُمَّ فَتَرَ عَنِّ الْوَحْيِ فَتَرَ. Puis la révélation s'est interrompue pendant un moment. Donc là, vous voyez, il précise pas combien de temps. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Donc il dit, j'entendis une voix venant du ciel. Je levai les yeux vers le ciel et je vis l'ange qui était venu à moi à Hira, assis sur un siège entre le ciel et la terre. فَجُوِزْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ. Et j'ai pris peur et je suis tombé par terre. Fadjitu ahli, faqultu zammilouni, zammilouni. Et je vins chez ma famille et je dis, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et Allah Azzawajal donc a révélé ces versets. Jusqu'au verset, warruj zafarjur. Et de tout péché, écarte-toi. Jusqu'au cinquième verset, que Ibn Kathir n'a pas cité. Il a cité les quatre premiers. C'est les cinq premiers qui ont été révélés à ce moment-là. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.